Je fus de garde au poste avancé. L'adjudant-major vient nous placer. C'était moi le premier pour la faction. On me met dans un pré en me donnant la consigne « Tout ce qui viendra de votre droite, il faut faire feu. Ne pas crier qui vive et bien écouter, sans te laisser surprendre. » Me voilà seul pour la première fois en sentinelle perdue, ne voyant pas clair du tout, et mettant mon genou à terre pour écouter. Enfin la lune se lève. J'étais content de voir autour de moi, je n'avais plus peur. Voilà que j'aperçois à 100 pas un grenadier hongrois avec son bonnet à poil. Ça ne bougeait pas. Je l'ajuste de mon mieux, et à mon coup de fusil, toute la ligne répond. Je croyais que l'ennemi était partout. Je recharge mon fusil et le caporal arrive avec ses 3 hommes. Je lui montre bon hongrois. On me dit « Tirez dessus et nous irons voir tous les 5 ». J'ajuste, je tire, rien ne bouge. L'adjudant-major arrive. « Tenez, lui dis-je, le voyez-vous là-bas ? » Tirez, dit-il. Je donne mon second coup et nous marchâmes dessus. C'était un saule à grosse tête qui m'avait fait peur. Le major me dit que j'avais bien fait, qu'il y aurait été trompé lui-même et que j'avais fait mon devoir. Nous marchâmes sur Vicence, jolie ville, mais les Autrichiens filaient sur Padoue, à grande journée. La joie était partout à cause de nos bons cantonnements, mais notre demi-brigade fut désignée avec un régiment de chasseurs à cheval pour aller du côté de Venise. Le général qui commandait cette expédition n'avait qu'un bras. Il fit faire des lanternes pour nous faire marcher de nuit, et le jour nous restions cachés dans les roseaux. Il fallait faire des petits ponts sur de grands fossés pour passer notre artillerie et notre cavalerie. Ce ne sont que marais et chaumières de pêcheurs. À force de courage, nous arrivâmes au lieu désigné. C'était une forte rivière avec une chaussée la séparant de la mer. Cette rivière va se joindre à 4 autres, qui tombe aussi dans la mer et forme la patte d'oie. Il fallait prendre toutes ces rivières pour être maître des eaux douces. Sur la grande chaussée était un corps de garde autrichien à l'avancée. Des redoutes à 1/4 lieue faisaient face aux rivières. On plaça un factionnaire sur la chaussée. Le factionnaire parlait allemand et fit connaissance avec le factionnaire autrichien. Le nôtre lui demanda du tabac, et l'allemand lui demanda du bois. Le nôtre lui dit « Je vous en apporterai avec 2 de mes camarades lorsque je serai descendu de faction. » Voilà nos grenadiers partis avec du bois. Les autres leur apportent du tabac. Le lendemain, on leur promit une grande provision et les voilà enchantés et disant « Nous vous donnerons du tabac. » Le matin, 50 grenadiers arrivent chargés de bois et sont bien reçus. Ils s'emparent des fusils des Autrichiens et les font prisonniers. De suite, la tranchée est ouverte et des pièces mises en batterie. C'était un bon point d'appui. Les bâtiments qui descendaient pour gagner la mer, chargés de farine, tombent en notre pouvoir, ainsi que 2 bâtiments chargés d'anguilles et de poissons. Nous en eûmes un bâtiment à notre discrétion, et nous en mangeâmes à toute sauce. Lorsque les Vénitiens eurent soif, ils vinrent faire de l'eau, et le général en eut tout ce qu'il voulut. Il nous avait promis 3 francs par jour, mais les comptes furent bientôt réglés. Il ne donna pas un sou et envoya tout chez lui. Puis le général Clausel prit le commandement. Nous restâmes peu de temps. Mantoue se rendit. Nous vîmes passer sa garnison et nous eûmes l'ordre de partir pour Vérone pour célébrer la paix. Dans cette place qui est magnifique, on nous lit à l'ordre du jour que notre demi-brigade était désignée pour Paris. Quelle joie pour nous! Nous traversâmes tout le pays d'Italie. L'on ne peut rien voir de plus beau jusqu'à Turin. C'est magnifique. Nous passâmes le Mont-Cenis, nous arrivâmes à Chambéry, et de Chambéry à Lyon. Lorsque notre vieux régiment arriva sur la place Bellecour, tous les incroyables avec leur lorgnon nous demandaient si nous venions d'Italie. Nous leur disions « Oui, messieurs. Vous n'avez pas la gale ? Non, messieurs. » En refrottant leur lorgnon sur leurs manches, ils nous répondaient « C'est incroyable. » Ils ne voulaient pas nous loger en ville. Mais le général Leclerc les força à nous donner des billets de logement, et de suite il fut accordé 7 congés par compagnie des plus anciens. Quelle joie pour ces vieux soldats! Jamais le consul n'en avait tant donné que cette fois. Le lendemain, on nous annonça que nous n'allions pas à Paris, comme nous comptions, mais bien en Portugal. Le général nous comprit dans les 40 000 hommes de son armée. Il fallut se résigner et partir dans un état déplorable, des habits faits de toutes pièces. Nous partîmes pour Bayonne. Cette route fut très longue. Nous souffrîmes des chaleurs. Enfin, nous arrivâmes au pont d'Irun. nos camarades furent dénichés un nid de cigognes et prirent les deux petits. Les autorités vinrent les réclamer au colonel. L'alcade lui dit de les rendre, parce que ces animaux étaient nécessaires dans leur climat pour détruire les serpents et les lézards, qu'il y avait peine de galère dans leur pays pour qui tue les cigognes. Aussi l'on en voit partout. Les plaines en sont couvertes, et elles se promènent dans les villes. On leur monte de vieilles roues sur des poteaux très élevés, et elles font leur nid sur les pignons des édifices. Arrivés à notre première étape, nos soldats trouvèrent du vin de Malaga à 3 sous la bouteille, et ils en burent comme du petit lait. Ils tombèrent morts ivres. Il fallut mettre des voitures en réquisition pour les charger, comme des veaux. Ils étaient comme morts. Au bout de 8 jours, il fallut faire manger nos ivrognes. La soupe ne restait pas dans leur cuillère. Le soldat ne pouvait pas boire sa ration tant le vin était fort. Nous arrivâmes à Victoria, jolie ville, de là à Burgos, et de Burgos à Valladolid. Belle grande ville, où nous restâmes longtemps dans la vermine. C'est les poux qui font les lits des soldats à force de remuer la paille, qui ressemble à de la balle. Les 3/4 des Espagnols prennent les poux à pincer et les jettent par terre en disant « Celui qui t'a créé, qu'il te nourrisse !» Voilà ce sale peuple. J'eus le bonheur d'être sapeur. J'avais un collier de barbe très long, et je fus choisi par le colonel Lepreux. Je fus habillé à neuf, petite et grande tenue. Et nous fûmes logés chez le bourgeois, où nous pûmes nous débarrasser de la vermine. Mais il fallait bien se renfermer de crainte d'être égorgé la nuit. Me promenant le long de la rivière, je rencontrai 2 prêtres français émigrés qui étaient dans un état de misère complète. Ils m'accostèrent pour me demander des nouvelles de France. Je leur dis que je n'avais fait que passer, que l'on disait que les émigrés seraient rappelés, et que s'ils voulaient aller voir le général Leclerc, ils seraient bien reçus, que le général était le beau-frère du premier consul. Ils y furent le lendemain, et ils reçurent de bonnes nouvelles. Ils me retrouvèrent et me prirent les mains, et me dirent que j'étais leur sauveur. 15 jours après, ils reçurent l'ordre de rentrer en France, et je fus embrassé par ces malheureux proscrits. Je leur donnai le conseil de se déguiser crainte d'être insulté en rentrant en France. De Valladolid, nous partîmes pour Salamanque, grande ville où nous restâmes longtemps à passer des revues et faire la petite guerre. Notre avant-garde poussait sa pointe sur la frontière du Portugal, et la guerre n'eut pas lieu. Ils amenèrent 17 voitures bien escortées, et la paix fut faite sans se battre. Nous rentrâmes en France par Valladolid. En partant de cette ville, les Espagnols nous tuèrent nos fourriers à coups de masse et eurent la hardiesse de venir prendre nos drapeaux dans le corps de garde chez le colonel dans un bourg près de Burgos. Tous les hommes étaient endormis. Le factionnaire crie « Aux armes !» et il était temps, ils sortaient du village. Ils furent pincés par nos grenadiers qui les passèrent à la baïonnette sans miséricorde. Voilà ce peuple fanatique. Nous arrivâmes à Burgos et partîmes pour Vitoria. De là, nous passâmes la frontière pour nous rendre à Bayonne, notre ville frontière. Nous suivîmes toutes les étapes jusqu'à Bordeaux, où nous eûmes séjour. Je fus logé chez une vieille dame qui était malade. Je me présentai avec mon billet de logement, et elle fut un peu effrayée de voir ma grande barbe. Je la rassurai de mon mieux, mais elle me dit « J'ai peur des militaires. Ne craignez rien, madame, je ne vous demande rien. Mon camarade est très doux. Eh bien, je vous garde chez moi, vous serez nourri et bien couché. » Le bon logement. Après dîner, elle me fit appeler par sa femme de chambre. « Je vous fais venir près de moi pour vous dire que je suis rassuré, que vous êtes bien tranquille chez moi. J'ai recommandé de bien vous traiter. Je vous remercie, madame. Nous ne sortirons que demain pour passer la revue. Vous me voyez dans un mauvais état. Ce sont des malheurs que j'ai éprouvés. Robespierre a fait guillotiner 14 personnes de ma famille. Le scélérat m'a fait donner pour 30 000 francs de bijoux et d'argenterie, et il exigeait que je couchasse avec lui pour sauver la vie de mon mari. Le lendemain, il lui fit couper la tête. Voilà, monsieur, les malheurs de ma famille. Ce scélérat a été puni, mais trop tard. Nous partîmes pour nous rendre à Tours, par les étapes désignées, et là nous fûmes passés en revue par le général Beauchou, qui nous présenta un vieux soldat, qui avait servi 84 ans, simple soldat dans notre demi-brigade. Le consul lui avait donné pour retraite la table du général. Il avait 102 ans, et son fils était chef de bataillon. On lui fit apporter un fauteuil. Il était habillé en officier, mais point d'épaulettes. Il y avait au corps un sergent de son temps, qui avait 33 ans de service. Après avoir quitté cette belle ville de Tours, nous partîmes pour prendre garnison au Mans, département de la Sarthe. que l'on peut citer la meilleure garnison de France. La belle garde nationale vint au-devant de nous, et ce fut de la joie pour la ville de voir un bon vieux régiment prendre garnison. Les murs de la caserne étaient encore teints du sang des victimes qui avaient été égorgées par les chouans, et on nous mit pendant 2 mois chez le bourgeois, où nous fûmes reçus comme des frères. On répara la caserne, où je restai 1 an. Le colonel se maria avec une demoiselle d'Alençon, fort riche, et ce fut des fêtes pour la ville. Les invitations furent considérables. Je fus désigné pour porter les invitations dans les maisons de campagne. Le colonel fut généreux avec le régiment. Tous ses officiers furent invités. Au bout de 3 mois, la caserne rendit le pain béni et l'on fit faire 3 brancards garnis en velours, chargés de brioches, et portés par 6 sapeurs. L'épouse du colonel fit la quête, et mon capitaine Merle, nommé commandant, conduisait notre belle quêteuse. Le tambour-major était le Suisse, moi je portais le plat, et madame faisait la révérence. La quête fut de 900 francs pour les pauvres. Tout le régiment était à la messe. On fit porter un brancard chargé de pain béni chez le colonel, et là on fit des parts avec une branche de laurier sur chaque part et une lettre d'invitation. 2 sapeurs portaient la grande bannette pleine de pain béni, et je fus nommé pour accompagner les 2 sapeurs qui portaient la bannette. Ils restaient à la porte. Je prenais une part et la lettre, je me présentais. On me donnait 6 francs, ou le moins 3 francs. Cette grande promenade dans la ville et les maisons de campagne me valut 100 écus. Le colonel voulut savoir si j'avais été bien récompensé. Je lui vidai mes goussets. Quand il vit tout cet argent, il fit 2 parts et me dit « Voilà la moitié pour vous et l'autre que vous partagerez aux sapeurs. » Mes 2 porteurs ne savaient rien de ce qui s'était passé. Je les ramenai à la caserne, et devant le sergent et le caporal, je déposai l'argent. Ils furent confus de joie en me voyant leur mettre des poignées d'argent sur la table. « Vous avez donc volé la caisse du régiment ? Pour qui tout cet argent ?» dit le sergent. « C'est pour nous, partagez-le, c'est le pain béni. » Nous eûmes chacun 15 francs. Ils étaient contents de moi, ils me serraient la main. J'eus mes 15 francs et mes 150 francs. C'était une fortune pour moi. Ils voulurent me régaler. Je m'y opposai. « Je ne le veux pas. Demain, je paye une bouteille d'eau-de-vie, et voilà toute la dépense qu'il faut faire. Et c'est moi qui régale, vous entendez, mon sergent ?»« Rien à répliquer, dit-il. Il est plus sage que nous. » Et le lendemain, je fus chercher une bouteille de cognac, et ils furent contents. Ce beau dîner du colonel me valut 1 louis, qu'il me donna pour avoir passé la nuit. Le bal ne finit qu'au jour. On se mit à table à 3 heures, et je fus bien récompensé. 15 jours après, je reçus une lettre de Paris, et je fus surpris, mais quelle surprise! C'était ma chère sœur qui m'avait découvert, par le moyen des recherches faites par son maître, qui avait un parent au ministère de la guerre. Ce fut une joie pour moi de la savoir à Paris, cuisinière chez un chapelier, place du Pont-Neuf. Le conseil d'administration du régiment avait ordre de porter des militaires pour la croix, et je fus porté avec les officiers qui avaient droit. Mon commandant Merle et le colonel me firent appeler pour m'en faire part, et que c'était parti au ministère de la guerre. Je répondis « Je vous remercie, mon commandant. Le colonel et moi, nous avons réclamé la promesse du premier consul à votre égard pour la garde, et j'ai signé cette demande avec le colonel. Cela vous est dû. » 15 jours après, le colonel me fit appeler. « Voilà la bonne nouvelle arrivée. Vous êtes nommé dans la garde. On va vous faire votre décompte et vous partirez. » Je vous donnerai une lettre de recommandation pour le général Hulin, qui est mon grand ami. Allez en faire part à votre commandant, il sera content de l'apprendre. » J'étais heureux de partir pour Paris et de pouvoir aller embrasser ma bonne sœur, que je n'avais pas vue depuis l'âge de 7 ans. Mon commandant me fit compliment en disant « Si jamais je venais à Paris, je vous ferai demander pour vous voir. Ne perdez pas de temps, rentrez à la caserne. » Je fis part de la bonne nouvelle à tous mes camarades qui me dirent « Nous vous conduirons tous. » Le sergent et le caporal aussi dirent « Nous irons tous faire la conduite à notre brave sapeur. » Mon décompte terminé, je partis du Mans avec 200 francs dans ma bourse, une fortune pour un soldat, bien accompagné de mes bons camarades, le sergent et le caporal en tête. Il fallut faire halte pour nous quitter à 1 lieue, et j'arrivais à Paris, le 2 Germinal, en 11, dans la caserne des Feuillants, près de la place Vendôme. Un passage longeait notre caserne jusqu'aux Tuileries, à peine si l'on pouvait passer 2 de front. On l'appelait la caserne des Capucins. je fus mis en subsistance dans la 3e compagnie du 1er bataillon. Mon capitaine se nommait Renard. Il n'avait qu'un défaut, c'était d'être trop petit. En compensation, il avait une voix de stentor. Il était grand quand il commandait. C'était un homme à l'épreuve. Il a toujours été mon capitaine. On me mena chez lui. Il me reçut avec affabilité. Ma grande barbe le fit rire, et il me demanda la permission de la toucher. « Si vous étiez plus grand, je vous ferais entrer dans nos zappeurs. Vous êtes trop petit. »« Mais, capitaine, j'ai un fusil d'honneur. »« C'est possible. »« Oui, capitaine, j'ai une lettre pour le général Hulin de la part de mon colonel. »« Une lettre pour son frère, marchand de draps, porte Saint-Denis. »« Eh bien, je vous garde dans ma compagnie. »« Demain à midi, je vous conduirai au ministère, et là, nous verrons. » C'est lui, le ministre, qui m'a trouvé sur ma pièce de canot à Montebello. Ah, vous m'en direz tant que je voudrais être à demain pour voir si le ministre vous reconnaîtra. Je n'avais point de barbe à Montebello, mais il a mes noms, car il les a mis sur un petit calepin vert. Eh bien, à demain à midi, je vous présenterai. Le lendemain, à midi, nous partîmes pour nous rendre au ministère. Il se fit annoncer et nous fûmes introduits près du ministre. Eh, capitaine, vous m'amenez un beau sapeur. Que me veut-il ? Il dit que vous l'aviez inscrit pour le faire venir dans la garde. « Comment te nommes-tu »« Jean-Roch Coignet. C'est moi qui étais sur la pièce de canot à Montebello. »« Ah, c'est toi ?»« Oui, mon général. »« Tu as reçu ma lettre ?»« C'est mon colonel, monsieur Lepreux. »« C'est juste. Va dans les bureaux en face. Tu demanderas le carton des officiers de la 96e demi-brigade. Tu diras ton nom, et tu m'apporteras une pièce que j'ai signée pour toi. » Je demandai dans ce bureau. Il regarde ma barbe sans me servir. Cette barbe avait 13 pouces de long. Et il croyait qu'elle était postiche. « Est-elle naturelle ?» me dit le chef. « Je la prends à poignée et la tire. Voyez, lui dis-je, elle tient à mon menton et bien plantée. Tenez, mon beau sapeur, voilà un papier digne de vous. Je vous remercie. » Et je porte ce papier au ministre qui me dit « Vois-tu que je ne t'ai pas oublié. Tu porteras une petite machine, » dit-il en touchant mon habit. « Et toi, Renard, tu recevras demain à 10 heures une lettre pour lui. C'est un soldat à l'épreuve. » Tâche de le garder dans ta compagnie. » Je remerciai le ministre et nous partîmes de suite pour nous rendre chez le général Davoust, colonel général des grenadiers à pied. Il nous reçut très bien en disant « Vous m'amenez un sapeur qui a une belle barbe. » « Je voudrais le garder dans ma compagnie, » lui dit mon capitaine. « Il a un fusil d'honneur. » « Mais il est bien petit. » Il me fit mettre à côté de lui et dit « Tu n'as pas la taille pour les grenadiers. » « Je désirerais le garder, mon général. » Il faut tromper la toise. Quand il passera sous la toise, tu lui feras mettre des jeux de cartes dans ses bas. Voyons cela, dit-il. Il lui manque 6 lignes. Eh bien, tu vois qu'avec 2 jeux de cartes, sous chaque pied, il aura ses 6 pouces. Tu l'accompagneras. Ah, certainement, mon général. S'il est accepté, ce sera le plus petit de mes grenadiers. Mon général, il va être décoré. Ah, c'est différent. Fais ton possible pour le faire recevoir. Et nous partîmes pour nous procurer des cartes, mettre des bas. Mon capitaine menait tout cela grand train. Il était vif comme un poisson et en vint à bout. Le soir même, je me tenais droit comme un piquet sous la toise, et mon capitaine était là, qui se redressait, croyant me faire grandir. Enfin, j'avais mes 6 pouces, grâce à mes jeux de cartes. Je sortis victorieux. Mon capitaine fut joyeux de son côté. Je fus admis dans sa compagnie. « Il faudra, dit-il, couper cette belle barbe. Je vous demande la permission de la garder 15 jours. » Je voudrais faire quelques visites avant de la faire couper. Je vous donne 1 mois, mais il vous faudra faire l'exercice. Je vous remercie de toutes vos peines pour moi. Je vais vous faire porter sur les contrôles à compter d'hier, pour votre solde. Je vous demande la permission de porter ma lettre. Certainement, dit-il. Il envoie chercher un sergent-major et lui dit « Voilà un petit grenadier. Vous donnerez une permission à Coignet pour faire ses commissions, et vous allez la lui faire délivrer de suite, pour qu'il puisse sortir et rentrer. Il faut le mettre dans l'ordinaire le plus faible. Vous y avez l'homme le plus grand, eh bien, vous aurez le plus petit. Justement, il se trouve seul en ce moment. C'est un bon camarade, nous pourrons dire le plus petit avec le plus grand. » Le sergent-major me mena dans ma chambre, et il me présenta à mes camarades. Un grenadier gaillard de 6 pieds 4 pouces se mit à rire en me voyant si petit. « Eh bien, lui dit-il, voilà votre camarade de lit. Je pourrais l'emporter en contrebande sous ma redingote. » Ça me fit rire, et le souper servi, on ne mangeait pas ensemble, chacun avait sa soupière, je donnais 10 francs au caporal. Tout le monde fut enchanté de mon procédé. Le caporal me dit « Il faut vous acheter une soupière demain. Vous irez avec votre camarade. » Le lendemain, nous allâmes acheter ma soupière et je régalai mon camarade de lit de 2 bouteilles de bière. Rentré à la caserne, je demandai la permission de sortir jusqu'à l'appel de midi. « Allez, dit mon caporal. » Je vole pour aller voir cette bonne sœur, place du Pont-Neuf, chez un chapelier. Je me présente avec la lettre que le maître de la maison avait eu l'obligeance de m'écrire, et ils furent surpris de voir une barbe comme la mienne. « Je suis le militaire à qui vous avez eu l'obligeance d'écrire au Mans. Je viens voir ma sœur, Marianne. Voilà votre lettre. »« C'est bien cela, venez, me dit-il. Attendez un moment, votre grande barbe pourra lui faire peur. » Il revient et me dit « Elle vous attend, je vais avec vous. » J'arrive vers cette grosse mère et lui dis « Je suis ton frère, viens m'embrasser sans crainte. » Elle vient en pleurant de joie de me voir. Je lui dis « J'ai 2 lettres de mon père, datées de Marengo. » Et le maître de me dire « Il faisait chaud. »« C'est vrai, monsieur. » « Mais dit-elle, mon frère, l'aîné, est ici à Paris. »« Est-il possible ?»« Mais oui, il va venir me voir à midi. » Quel bonheur pour moi, je suis dans la garde du consul, je vais courir à l'appel et je reviendrai le voir. À 1 heure, je serai de retour. Je remerciai le maître et je cours à l'appel. Je reviens le plus vite possible, mais mon frère était arrivé. Ma sœur lui dit que j'étais dans la garde du consul. « Fais bien attention, lui dit-il, de ne pas faire connaissance d'un soldat, ne va pas nous déshonorer. Nous avons été assez malheureux. Mais mon ami, dit-elle, il va venir après son appel, tu le verras. » J'arrive. Elle me voit et le fait cacher. Je lui dis « Eh bien, ma sœur et mon frère, Pierre, n'est donc pas venu ?»« Mais si, dit-elle. Il dit que vous n'êtes pas son frère. »« Ah, lui dis-je, eh bien, il faut lui dire que c'est lui qui m'a emmené de Druille pour Été, où il m'a loué, et il avait du mal au bras. » Là-dessus, il vint fondre sur moi, et nous voilà tous les trois dans les bras l'un de l'autre, pleurant si fort que tout le monde de la maison est accouru pour voir des malheureux se retrouver au bout de 17 ans. La joie et la douleur furent si grandes que mon frère et ma sœur ne purent la surmonter. Je les perdis tous les deux. J'enterrai ma pauvre sœur au bout de 6 semaines. La maladie se déclara au bout de 8 jours, et il a fallu la conduire à l'hôpital où elle succomba. Je la conduisis au champ du repos. Mon frère ne put survivre à cette perte. Je le renvoyai au pays où il mourut. Je les perdis dans l'espace de 3 mois. Voilà des malheurs que je ne puis oublier. Mes devoirs de famille terminés, je repris mes devoirs militaires, et je contai mes malheurs à mon capitaine, qui m'a plaint sincèrement. Je fus habillé promptement, et je fus à l'exercice. Comme j'étais déjà fort dans les armes, l'escrime, je continuai. Je fus présenté au maître qui me poussait rapidement. Au bout d'1 an, on livra un assaut, et je fus applaudi pour ma force, et ma modestie alors laissé le point d'honneur. Plus tard, je me fis présenter par le premier maître dans la rue de Richelieu, pour faire assaut avec des jeunes gens très forts. Et là, je fis voir ce dont j'étais capable. Je fus embrassé par les maîtres et invité par les forts élèves. Le maître d'armes de chez nous me combla d'amitié et dit « Ne vous y fiez pas, vous n'avez rien vu. Il a caché son jeu et s'est conduit comme un ange. On peut en faire un maître s'il voulait. » Mais il dit « Non, je reste écolier. » Voilà sa réponse. J'allais tous les jours à l'exercice pour apprendre les mouvements de la garde et ça ne fut pas long pour moi. Au bout d'un mois, je fus quitte et je fus mis au bataillon. La discipline n'était pas sévère. On descendait pour l'appel du matin en sarrau de toile et caleçon, pas de bas aux jambes, et on courait se remettre dans son lit. Mais il nous vint un colonel nommé Dorsen, qui arrivait d'Égypte couvert de blessures. Il fallait un tel militaire pour faire un garde accompli pour la discipline et la tenue. Au bout d'un an, nous pouvions servir de modèle à toute l'armée. Sévère, il faisait trembler le plus terrible soldat. Il réforma tous les abus. On pouvait le citer pour le modèle de tous nos généraux, tant pour la tenue que pour la bravoure. On ne pouvait pas voir de plus beau guerrier sur un champ de bataille. Je l'ai vu couvert de terre par des obus. Une fois relevé, il disait « Ce n'est rien, grenadier, votre général est près de vous. » On nous fit part que le premier consul devait passer dans notre caserne et qu'il fallait nous tenir sur nos gardes. Mais il trompa son monde. Il nous prit tous dans nos lits. Il était accompagné du général Lannes, son favori. Il venait de nous arriver des malheurs. Des grenadiers s'étaient suicidés, on ne sut pourquoi. Il parcourt toutes les chambres et arrive à mon lit. Mon camarade, qui avait 6 pieds 4 pouces, s'allongea en voyant le consul près de notre lit. Ses jambes passent de plus d'1 pied de notre couchette. Le consul croit que c'est deux grenadiers au bout l'un de l'autre et vient à la tête de notre lit pour s'assurer du fait, et suit de sa main tout le long de mon camarade pour s'assurer. « Mais dit-il, ces couchettes sont trop courtes pour mes grenadiers. Vois-tu l'âne ? Il faut réformer tout le coucher de ma garde. Prends note et que toute la literie soit mise à neuf. Celle-ci passera pour la garnison. » Mon camarade de lit fut cause d'une dépense de plus d'un million, et toute la garde eut des lits neufs de 7 pieds. Le consul fit une morale sévère à tous nos chefs, et il voulut tout voir. Il se fit donner du pain. « Ce n'est pas cela, dit-il, je paie pour du pain blanc, je veux en avoir tous les jours. Tu entends, l'âne ? Tu enverras ton aide de camp chez le fournisseur pour qu'il vienne me parler. » Le consul nous dit, « Je vous passerai en revue dimanche, j'ai besoin de vous voir. Il y a des mécontents parmi vous, je recevrai leurs réclamations. » Ils s'en retournèrent aux Tuileries. Sur l'ordre qu'ils passeraient la revue le dimanche, le colonel Dorsen se donna du mouvement pour que rien ne manquât pour la tenue. Tout le magasin d'habillement fut bouleversé. Tous les vieux habits furent réformés, et il passa son inspection à 10 heures. Il était d'une sévérité à faire trembler les officiers. À 11 heures, on part pour se rendre aux Tuileries. À midi, le consul descend pour passer la revue, monté sur le cheval blanc que Louis XVI montait, disait-on. Ce cheval était de la plus grande beauté, couvert par sa queue et sa crinière. Il marchait dans les rangs, au pas d'un homme. On pouvait dire que c'était le plus fier cheval. Le consul fit ouvrir les rangs. Il marchait au pas. Il reçut beaucoup de pétitions. Il les prenait lui-même et les remettait au général Lannes. Il s'arrêtait partout où il voyait un soldat, lui présentait les armes, et il lui parlait. Il fut content de la tenue et nous fit défiler. Nous trouvâmes des tonneaux de bon vin à la caserne, et la distribution se fit à chacun son litre. Les pétitions furent presque toutes accordées. Le contentement était général.